Dans les questions, j'ai une question qui me revenait souvent dans la première partie. J'attendais la deuxième pour la poser. Quand je suis en avion, j'ai souvent le... Pas souvent, la majorité du temps. Mais ça, c'est à cause que... La mécanique. Oui, ça, c'est... Je peux t'expliquer ce que c'est. Oui. Tu coupes des égrégores. Si je regarde, je choisis quelqu'un dans qui je me réincarnerais là, si j'avais un accident. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Premièrement, tu es sorti de la majorité des égrégores qui sont locaux. On parle d'un vol qui est... un vol qui est assez long. Et vu que tu as coupé ta présence... Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose, c'est que le monde astral, c'est quelque chose qui est... Telluriquement, on a des égrégores qui sont géostationnaires, donc des égrégores qui restent attachés à des pays. Un égrégore national ne se promène pas... l'égrégore canadien, ça va pas aux États-Unis, après ça au Mexique, après ça au Guatemala, après ça au Honduras. Il reste au Canada. Et il y en a des égrégores qui sont mobiles aussi, des paliers mobiles, qui sont des paliers qui sont surtout attirés par différents systèmes planétaires. Ça peut être un palier relié à Mars. Alors, ce palier-là, c'est un palier surtout de guerre, puis Mars vole, quand Mars est en orbite autour du Soleil, le palier astral suit l'orbite de Mars, qui fait que l'astrologue, connaissant la position des planètes, ben, inconsciemment, même si c'est pas ce qu'il fait, il connaît la position des paliers mobiles, et il peut avoir une idée de ce qui va se passer chez l'humain. Donc, quand tu prends l'avion, tu quittes... Alors, en temps de l'an, nécessairement, tu sors de la majorité des égrégores familiaux qui sont attachés à une contrée particulière, à un pays où tu es venu au monde. En même temps, tu quittes des égrégores collectifs qui, normalement, font... Parce qu'il y a un paquet de mélanges au niveau de tes cellules. Tu as un paquet de cousins que tu ne connais plus qui sont à travers autour desquels tu vis. C'est sûr que si tu es né à Rome puis tu es venu au Canada, déjà là, tu as changé beaucoup de choses. Alors, bon, une fois que tu es parti, tu parles... le moteur 1 arrête, le moteur 3 arrête, le moteur 4 s'éteint puis le moteur 2 tombe. C'est ça, là? Oui, c'est ça. Bon. Puis là, tu décides dans qui tu te réincarnes. Oui. Une suggestion, réincarne-toi pas dans le pilote. Choisir quelqu'un en arrière. C'est dans le même avion que toi. En arrière, ça serait pas trop pire. Mais à ta place, j'irais en arrière plutôt que quelqu'un en arrière. C'est le temps d'aller aux toilettes en arrière. Là, parce que c'est ceux qui sont dans la queue qui ont toujours plus de chances de survivre. Mais je regarde les personnes. Puis là, je me dis, bon, lui, il fume pas. Moi, je fume. J'aimerais ça pas fumer. Fait que j'en prends un qui fume pas. Un qui n'a pas l'air à boire, qui a l'air d'avoir un corps physique, qui a de l'allure, qui est en forme, qui est dans la... Oui, mais là, ils sont tous en train de crier, en train d'arracher les... Non, mais ça arrive, je le choisis toujours avant. Là. D'ailleurs, c'est jamais arrivé. Mais... Puis là, me dis, s'il y a un accident puis que mon corps physique décède, bon, moi, qui je prendrais là-dedans? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, il faut s'arranger justement pour que ton corps physique décède. Puis que uniquement lui décède. Alors, ce que je veux dire là, c'est pas... L'animal humain ne peut pas faire ça, puis la majorité des êtres humains, ceux qui ont une conscience de ce qu'ils sont un petit peu, enfin d'être là, puis quand on a une conscience de ce qu'ils sont, une conscience d'être, pas d'être quelque chose, une conscience d'être là, la meilleure chose à faire, c'est d'être totalement là jusqu'à l'instant final, puis le corps physique. Autrement dit, tu ne dois absolument pas embarquer dans la conscience collective de la peur panique, de la peur spirituelle qui fait que tout le monde se met à prier, sachant qu'ils vont mourir plutôt que de prier pour que ça vive. Donc, tu dois t'arranger pour être... c'est le temps d'être... de respirer calmement, puis d'observer la psychologie humaine. Et puis, à un moment donné, bien, tu vas découvrir simplement que tu n'es plus dans ton corps physique, qu'il n'y a plus de corps physique, et puis qu'il y a bête à fumer. Et là, tu es en voyage astral. Il y a des fortes chances, de toute façon, que ton anti-homme... C'est une grosse question que tu me poses là. Il y a des chances que ton... Normalement, si tu es suffisamment lucide, ton anti-homme va te quitter avant que ton corps physique meure. Et c'est ce qui arrive souvent. Et ça, c'est une chose qu'un initié ou un être initiable pourrait se servir. C'est que l'anti-homme, c'est la partie de la valise qui n'a rien à faire avec votre intelligence. L'anti-homme, c'est la partie qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de comprendre, qui nous force à vivre médiocre, qui nous fait chialer, etc. L'anti-homme, c'est la partie de la valise qui n'est pas en affinité avec notre conscience. L'anti-homme, normalement, quitte un être humain qui va mourir de quelques heures à quelques journées avant sa mort. L'anti-homme ne va pas dans le monde de la mort, se réincarne immédiatement. Ou il fait partie des processus du monde de la mort extrêmement planétarisé qu'on connaît sous les noms de Satan. Alors, une personne, par exemple, qui est extrêmement près de la mort, normalement, elle vit certaines phases. Il y a une des phases où elle va vivre, la dernière, où elle va accepter apparemment la mort, où subitement elle aura, comme qui dirait, fait la paix avec son âme. Et là maintenant, elle peut mourir. Elle est maintenant bien. C'est que l'anti-homme est sorti. Et là maintenant, personne n'est correct. Un initiable, ce qu'il peut faire dans une situation comme ça, il y a plusieurs situations, mais une situation qui t'amène théoriquement à la mort, c'est de rester lucide, et subitement, elle va vivre une paradisiation avant de mourir. Donc, l'anti-homme va avoir été rejeté. Et si l'avion ne s'écrase pas ou s'il ne meurt pas, il doit rester totalement dans la même lucidité. Il aura fait ce que plusieurs initiés feront à un moment donné après un paquet de souffrances, une initiation solaire violente. Il aura rejeté son double anti-homme, mais d'une façon où le double anti-homme aura fui. Maintenant, admettons que ça s'écrase. Mais si tu ne meurs pas, là, le double anti-homme, il va pas revenir? Oui, c'est pour ça qu'il faut que tu restes lucide maintenant, tout le temps. Reste-toi. Va pas te coucher, dors pas. Reste bien là. Tu allais à une réunion d'affaires, tu allais à n'importe quoi, il n'y a plus rien à faire. Retire-toi, fuis, va quelque part. Puis reste là jusqu'à temps que tu sois ce que tu as cellularisé, la pureté de ton âme, donc le rejet total de ton anti-homme. Le Nazaréen, ça y a pris quelques journées. Historiquement, on parle de 40 jours. Bon, parce que c'est plaisant 40, il y a eu déluge de 40 jours, etc. Bon. On doit donc faire attention pour rester lucide. Si l'avion s'écrase, ce qui va arriver? Il va arriver simplement que le double anti-homme va avoir été éjecté avant. Avant la mort, il va fuir. Il y a des fortes chances qu'il fuit si on sait, si tu sais que ça va, que ça va mourir. Autrement dit, si tu dors, le double anti-homme, il va probablement être encore là. Ben, c'est pas grave, il te quitte après. Mais si tu le sais, l'avantage qu'il y aurait, ça serait de savoir totalement, lucidement, clairement, d'être totalement toi et de ne rien faire, de ne pas prier, c'est de t'assujettir à des égrégores collectifs qui vont te récupérer à l'instant où tu vas mourir, de ne pas souhaiter, c'est d'autres formes d'égrégores, rien. Reste lucide, comme si tu regardais une pierre pousser. Observer. Oui. Mmh. Là, tu regardais des pierres qui vont mourir, mais c'est comme si tu regardais une pierre pousser. Alors, à un moment donné, il y aura l'impact. Ce qui va arriver, c'est que toi, tu vas être déjà dans le monde moronciel, donc où tout le monde se ramasse avant le monde de la mort, l'endroit où vont les âmes quand on réanime le corps physique, c'est de là que ça revient. Alors, ce qui va arriver, c'est que à quelques pieds, on peut parler de 2, 3, 4 000 pieds avant l'impact, tu vas déjà être mort, si tu es lucide. C'est-à-dire que toi, en tant qu'âme et en tant qu'antique intelligence, tu vas déjà quitter ton corps physique parce que, étant lucide, c'est un peu comme lorsqu'on a une blessure grave, on ne souffre plus de la blessure. Alors, il y a une mécanique qui va faire en sorte que, étant donné que tu es lucide, tu ne vivras pas l'expérience de la mort comme les autres la vivent. Donc, tu ne la vis pas non plus. Tu meurs déjà, c'est-à-dire que ton âme quitte le corps physique en voyage astral. On peut dire que tu dors. Mais vu qu'il y aura une mortalité, ce sera la même chose pour tout le monde. Et à un moment donné, donc, tu seras à l'extérieur de l'avion, tu verras l'avion s'écraser, ce qui fait que toi, tu n'auras rien à souffrir, tu n'auras rien à sentir, ça ne te sert pas, parce que, étant donné que tu es lucide, c'est de l'intelligence, l'intelligence ne vit pas ce genre de choses. Maintenant, il arrive quoi? Il va arriver que quand l'avion va arriver au sol, il y a un paquet de personnes qui vont se ramasser aussi dans le plan moronciel, les passagers. La majorité vont être encore en train de crier, ne sauront pas qu'ils sont morts. Alors que toi, tu le sais. Toi, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est, vu que tu es totalement lucide, dans une mort violente, et on a vu que dans les morts violentes, il y avait une purification astronomique des parties les plus basses de l'être humain. C'est pourquoi le Christ s'est fait crucifier, il fallait qu'il meure violemment, de façon à extirper l'ego de Jésus pour libérer la conscience christique. C'est pourquoi il y a eu les martyrs de l'Église catholique, c'est pourquoi, en tout cas, bref, théologiquement, les musulmans, c'est un peu la même chose, doivent mourir d'une mort violente pour rejoindre Allah. Et les vikings, on l'a vu, à un moment donné, même chose. Pour aller au banquet de Dain, il fallait qu'ils meurent violemment. La mort violente, elle a certains avantages, certains inconvénients. C'est que tu ne vis plus, puis en évoluant, c'est en vivant que tu évolues, en tout cas. Alors là, ce qui va arriver, c'est que tu vas probablement te retrouver tout petit en tant que lucidité de conscience et tu auras probablement la capacité de rejoindre ton double éthérique, même s'il n'est pas suffisamment constitué. On parlera de densité moroncielle, ce qui fait que pour te réincarner, tu auras probablement plus le choix là de... Tu vas être attiré vers des corps physiques qui seront des corps capables de te recevoir. On ne sera pas à peine de dire, là, tu n'auras pas le temps. Puis en plus, ce n'est pas nécessaire de choisir déjà dans quel contexte tu veux te réincarner. Si tu as la capacité d'être lucide à la mort, il n'y a aucun problème. On prend l'exemple des Templiers. Est-ce que tu te réincarnerais tout de suite? Ben, tout de suite, dans le monde de la mort, ça peut représenter 200 ans peut-être, mais moi, je veux savoir, dans le temps terrestre, est-ce que demain matin, tu es dans quelqu'un? Disons qu'il y aurait un écrasement d'avion et dans lequel tu es toi, moi probablement que je commencerai à m'enquérir de ton retour dans les semaines qui vont suivre. Je vais commencer subitement à être aux aguets puis avoir des intuitions qui vont progressivement me ramener vers l'individu qui te réincarne. Et ça peut être un adulte, rarement ça va arriver. C'est surtout un enfant et dans certains cas, ce sera aussi un nouveau-né. Et moi, je sais que tu peux très bien, toi, te réincarner dans un adulte ou dans un enfant qui est déjà assez âgé. Bon. OK, ça répond à ma question. Mais on parlait des Templiers. Ouais. C'est pas un petit peu comme ça. Les Templiers sont morts brûlés sur le bûcher. La majorité, justement, on parlait à un moment donné que le corps vital, s'il était similaire au feu, comme d'ailleurs il est similaire à la radioactivité, si on brûle un corps vital, on détruit l'âme, c'est-à-dire que ça se réincarne immédiatement parce que ça ne peut pas créer de fantômes. C'est pourquoi on brûlait les sorcières de façon à ce qu'ils puissent pas venir hanter leur bourreau. C'est pourquoi aussi on a brûlé beaucoup de martyrs, détruire leur âme, détruire leur expérience astrale, et c'est pourquoi on a brûlé les Templiers. Dans la majorité des cas, un individu qui doit affronter la mort comme ça, s'il reste lucide pendant la mort, il sort avant que ça soit détruit. Donc, il ne souffre même pas le bûcher. Alors que l'individu qui se met à paniquer, l'individu qui s'astralise, il reste totalement assujetti au monde de la mort. Et lui, c'est une souffrance sans douleur, mais il va quand même expérimenter la souffrance mémoriellement, même s'il ne sentira pas. Donc, dans n'importe quelle situation où l'individu a à mourir, c'est préférable. On pourrait dire que c'est préférable qu'il meure bravement. Mais en réalité, c'est pas une question de bravoure, là. Comprends l'idée? Alors, par exemple, on est tous ici sous le joug d'un terroriste qui décide qu'il tue une personne à la minute tant qu'il n'a pas donné ce qu'il voulait. L'individu qui aurait à mourir, si l'individu meurt lucidement, elle va quitter son corps physique avant même que la balle l'atteigne. Elle va déjà être dans le monde moronciel et elle aura tout ce qu'il faut vu qu'elle aura de la lucidité, donc de l'expérience de conscience pour être capable de ne pas gagner le monde de la mort. Là, le double antidium va la quitter immédiatement. Bref, il y a plusieurs choses qui vont se passer. On pourrait parler donc de mourir d'une... Il faut rester vivant comme on est vivant. Oui, il faut rester vivant quand on vient pour se faire... C'est ça. Vivant dans la conscience. Évidemment. J'avais compris. Je pensais que tu avais compris. Merci. Veux-tu définir c'est quoi de la puissance? Bon. Je vais encore faire un parallèle... qui devient un peu véreux, mais qui est intéressant pour nourrir l'astral, instruire l'astral, avec les forces armées canadiennes, encore une fois. Les forces armées canadiennes ont démontré beaucoup plus de puissance que de pouvoir dans l'affaire de la crise amérindienne, alors que normalement, les forces armées des pays démontrent du pouvoir plutôt que de la puissance. Et si on regarde, à un moment donné, quand la Zang se pointe devant un soldat, un dénote de la puissance, l'autre veut démontrer du pouvoir, et si le soldat aurait égoïquement... Il était parti en voyage astral là, quand la Zang faisait des conneries en avant. Fait qu'il était lucide, il n'y avait rien là, c'était correct. Bon, mais ça, c'est de la puissance, en ce sens que, de toute façon, l'autre n'a pas pu supporter son regard. Il a fait un paquet de simagrées, il ne s'est rien passé. Lui sécrétait, lui brisait son corps physique, puis finalement, c'est lui qui est parti perdant. Ça, c'est du pouvoir. Quand on regarde, par exemple, les Amérindiens, lorsqu'ils ont fui Kanawagé, ils ont traversé le pont Mercier, puis à la salle, il y a un paquet de gens... quand je parle d'animaux humains, qui leur ont lancé des pierres. Ça, c'est du pouvoir. C'est le pouvoir blanc. C'est pas de la puissance. La puissance aurait été de laisser passer ces personnes-là pour la simple raison qu'ils sont dans un contexte de façon qui est pénible pour les Amérindiens. Nous, on n'aime pas les mots des Amérindiens parce qu'ils nous font vivre un contexte qu'on n'aime pas. Eux sont dans un contexte pire. Il faudrait qu'on comprenne. Alors, ils fuient Kanawagé. Le problème est qu'ils étaient à Kanawagé, ce qui fait qu'ils ne font plus partie du jeu. Parfait, laissez-les passer, ça finit là. C'est exprimer de la puissance. La puissance, c'est toujours écologique et intelligent. Le pouvoir, c'est toujours astral et inintelligent. Ça veut dire, encore une fois, que on est tous policiers, puis à un moment donné, on a à arrêter quelqu'un qui fait un vol dans une bijouterie, et puis on l'arrête. Alors, on y fauche les deux jambes, il tombe à terre, on a un qui embarque dessus, le genou en plein sa colonne vertébrale, on y ramasse la tête par les cheveux, puis on y relève suffisamment, et il ne peut plus bouger. C'est du pouvoir si l'intelligence manie ton bras et ton genou. On y passe les menottes et tu ne lâches pas la tête pour qu'elle vienne taper sur le plancher de la bijouterie. Tu déposes la tête. Ça finit là. Tu t'arranges pour mettre le minimum de force nécessaire pour que l'individu reste sous contention. Et par la suite, on l'amènera au poste, mais il ne se passe rien d'autre. Ça, c'est de la puissance. Si c'est snaf, puis c'est un maudit cochon, puis on en profite pour sécréter, puis se nourrir hormonalement, bref, défouler son ego dessus, c'est du pouvoir. Alors, quand on parle d'un pouvoir de récession, c'est pas de la puissance. Quand on parle d'un pouvoir policier, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Un pouvoir politique, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Un pouvoir militaire, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Quand on parle d'une puissance militaire, c'est tout à fait autre chose. On ne détruira pas pour rien. Donc, un pouvoir militaire, par exemple, va taper sur n'importe qui. C'est du pouvoir. Une puissance militaire ne... Bon, à un moment donné, on trouvait les soldats canadiens un peu débiles, un peu cons. Il y a plusieurs personnes qui trouvaient idiots parce que ces personnes-là, à leur place, auraient exprimé du pouvoir. Quand, à un moment donné, il y a des femmes qui sont venues tapocher soldats sur le pont Mercier, des femmes indiennes, et les soldats ont pas... Ils ont à peu près rien fait. Ils sont protégés plus ou moins, là. Bon, ils ont à peu près rien fait. Et puis, il y a un journaliste qui leur pose la question, « Pourquoi vous n'êtes pas défendu? » Puis, un soldat qui répond, « Ben écoute, se battre contre des femmes, tapocher des femmes, il n'y a pas grand-chose à aller chercher là-dedans. » Ça, c'est l'explication sociale que lui a donnée. Mais ça, c'est exprimer de la puissance. Bon. Quand on voit les Amérindiens taper les Indiens à Kanawagé, puis il y a eu du sang, etc., bon, puis dernièrement, il y en a même eu qu'une fracture du crâne, là, on a encore une fois de la puissance qui est exprimée, sauf qu'à un moment donné, les individus ne sont pas capables de contrôler leur puissance. Ils ne savent pas quand la puissance devient pouvoir. Et là, il peut y avoir donc un manque d'expérience chez l'humain dans l'application de la puissance. Alors, à un moment donné, il y a eu deux rafales de M16 de C7 qui ont été tirées par l'armée canadienne dans les airs pour avertir les gens. Et quand on regarde les images, où on va voir astralement ce qui arrive à un moment donné, c'est un vrai, vrai... En tout cas, si ça aurait été la police qui aurait été là, il y aurait eu un paquet de morts chez les Amérindiens. Et si ça aurait été n'importe quelle force militaire, il y aurait eu un paquet de morts. Les soldats repoussaient un peu le monde avec leurs carabines, pendant qu'eux autres, ils lançaient des roches, ils tapaient à coups de batte de baseball là-dessus. Puis à un moment donné, ben, quand tu es totalement mal pris, tu donnes une rafale, puis tu te fais un coin. Là, c'est appliquer de la puissance, du pouvoir. Donc, votre enfant fait des conneries, vous le punissez. Il vous nargue, et à un moment donné, on va dire, tu le ramasses par le chignon, puis tu l'assois. Il fait une niaiserie, tu lui donnes une volée, une claque. Tant que tu contrôles intelligemment ce que tu fais, si tu ne peux pas en parvenir à dire « j'ai peut-être tapé trop fort », c'est du pouvoir. Tant que tu contrôles, c'est de la puissance. Alors, quand on parle, par exemple, de grand monarque, où on parle de plusieurs choses, la puissance, c'est quelque chose qui s'impose par le rayonnement, par l'imprégnation, c'est quelque chose qui s'impose même par la force, mais l'intelligence est toujours à l'intérieur du gant de fer qui manie les choses. Quand on parle de pouvoir, c'est uniquement de l'ego, c'est pour se rassasier astralement. Alors, c'est de l'ego. Alors, quand on parle de politique, eh bien maintenant, ça y est, on a le pouvoir, tout le monde est content. Alors que si on serait un parti politique intelligent, ben on pourrait constater qu'effectivement, maintenant, on est rendu à la tête. Alors, maintenant, il faut appliquer ce qu'on a dit. Alors que les gens vont plutôt fêter parce qu'ils viennent de gagner une victoire, alors qu'on a, c'est, tu gagnes rien avec la puissance. Tout est à gagner quand tu es élu. La Terre aura-t-elle deux lunes? Oh, avec la quantité de gens qui sont déjà dans la lune, s'il faut en plus qu'ils soient dans les lunes... C'est un phénomène qui est plus que probable dans les années à venir. Bon, alors, ça fait partie des possibilités astronomiques. Qu'à un moment donné, un nouveau satellite, plus petit que l'actuel, vienne se placer en orbite autour, que soit récupéré par l'attraction planétaire, et vienne se placer en orbite autour dans les... Quand même, c'est pas demain matin, là, mais après-demain, après tu sais... Mais effectivement, à un moment donné, la Terre a de fortes chances d'avoir deux lunes. Est-ce que ça changerait l'axe de rotation de la Lune actuelle? Ben, ça changerait énormément de choses au niveau planétaire. Ça changerait l'humeur des humains, parce que l'humain est assujetti aux marées lunaires. Ça changerait tout le système planétaire au niveau tellurie, parce qu'il y a des marées terrestres. La Terre s'étire, les montagnes montent un peu, etc. C'est calculable, géologiquement, on le sait. Ça changerait énormément toute la vie de panoplie de poissons et de ce qui vit au niveau des océans parce que ça altérerait les marées océaniques. Ça changerait énormément de choses. En bien ou en mal? En mal. Ça ne se pose pas comme question. Non. Ça changerait les choses. Je sais que ça ne se pose pas, Mme Zaldi. Ben, c'est ça. Les astrologues auraient des calculs à refaire. Ça ne donne rien quand ça se fait une carte du ciel si on est pour être vivant qu'il y a encore deux lunes. Ben ça, c'est évident de toute façon, parce que quand on est vivant, vous savez que si vous êtes totalement vivant puis que vous devez tourner sur la rue à gauche puis que la lune ne veut pas, ben la lune va changer d'orbite, vous allez tourner sur la rue à gauche. Quand on est mort, ben là, on est assujetti aux mécaniques astrales qui sont assujetties, les autres, aux mécaniques attractives des planètes qui sont assujetties aux rotations autour de, aux translations autour du soleil. Depuis quelque temps, j'ai pris conscience que j'étais manipulé intérieurement, même pendant la conférence. Ma plus grande difficulté, c'est de ne pas m'en occuper. Alors, comment arriver à ne plus subir cette influence? Bon, ne pas s'en occuper, ce n'est pas cela qu'il faut faire. Il faut comprendre qu'on est manipulé. Il faut observer, constater, observer. Et puis c'est tout. L'ignorer, ce n'est pas ça. Tiens, j'ai constaté que j'avais une hémorragie sur le pied. Comment puis-je l'ignorer? Non. On ne doit pas l'ignorer. Et ce qu'on doit faire, simplement, c'est de travailler pour arranger les choses. Comment on arrange les choses? En étant conscient. C'est-à-dire que constater, ne faites que constater, ne faites que de la constater. C'est très simple. Il y a un processus que vous n'aimez pas. Votre conscience le découvre. La conscience le fuit? Non. La conscience l'attaque? Non. La conscience doit rejoindre le processus, cheminer avec le processus, puis le processus va disparaître de par lui-même. Mais ce n'est pas une question de 2 secondes. Ça peut être instantané, ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des journées, ça peut prendre des années. Tout ce qu'on a à faire, effectivement, on constate qu'on est manipulé de différentes façons. Bien, au minimum, vous êtes en train de voir que le logement est occupé, le corps physique, l'âme. Bien, sachez-le. Et puis, ce qu'on doit faire, ce n'est pas de lutter contre ça, c'est de s'affirmer en tant qu'intelligence chez soi, en tant que mental. Alors, à un moment donné, bon, par exemple, on prendrait ici que c'est de la boisson. Alors là, je suis dans une conférence d'alcoolique anonyme, puis j'ai caché mon verre de boisson ici. Alors, tout le monde pense que c'est de l'eau, mais c'est du pur, c'est de l'alcool pur. Et puis, à un moment donné, j'ai le goût d'aller boire, j'écoute la conférence, je reviens, etc. Si je dis, regarde, je suis encore en train de me faire avoir, c'est ça qui est de l'évolution. Puis là, regarde, c'est écœurant, le bras bouge tout seul. C'est ça l'évolution. L'alcoolique, il comprend pas l'idée. Il se trouve faible, puis il se maudit, puis il se déteste, puis c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que l'alcoolique, qui veut arrêter, il veut arrêter. Si ça continue à boire, c'est que c'est pas lui. Et puis à un moment donné, il commence à boire. Observez, vous êtes au théâtre. Observez. Puis là, vous dites, oui, mais en attendant, je suis encore chaud. Non. Non, non. Vous êtes chaud comme vous l'aviez toujours été. Vous avez un pas d'avance sur beaucoup d'humains qui sont chauds de d'autres choses. C'est que vous le savez. Et puis vous voyez. Et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que le bras a de plus en plus de difficultés. Pas parce que vous luttez. Parce que vous avez plus de présence dans votre corps physique. Vous allez encore boire. Puis à un moment donné, vous ne pourrez plus boire. Sans souffrance. Au lieu d'avoir passé 20 ans à lutter contre. Donc, la personne, elle découvre des manipulations. Observez-les. Ça fait que de la théorie, vous passez à la pratique. Fuyez-la pas immédiatement. C'est très bon d'observer. Quand on dit que l'intelligence et l'ego cohabitent le même corps physique, on peut soit que l'intelligence décide de foutre l'ego dehors, ou bien non, l'intelligence décide de rentrer dans l'appartement puis tout le prendre, l'autre va être obligé de sortir. Oui, mais l'intelligence décide jamais de foutre l'ego dehors. C'est une partie de l'ego qui décide de foutre une partie de l'ego dehors. Exactement comme si l'intelligence dirait, là, il y a un échafaud qui tient la bâtisse, c'est pas fini. L'intelligence arrive, elle prend l'échafaud, elle met tout ça à terre. Bien, on finira jamais l'édifice. Le problème, c'est quand l'édifice est presque fini, l'échafaud est convaincu qu'elle fait partie de l'édifice. C'est l'âme. L'âme se dit, écoute, sans moi, c'est plus rien, tu peux pas tenir. Mais l'échafaud fait pas partie de l'édifice. À un moment donné, on devra le défaire. Oui, mais c'est grâce à moi qu'il y a l'édifice, c'est vrai. Bon, c'est grâce à nos mémoires qu'on est là, c'est grâce à nos ancêtres, c'est grâce à tout ce qu'on a vécu qu'on arrive à ce qu'on en est, c'est vrai. Sauf que ce ne fait pas partie de la fusée. La rampe de lancement va rester là. Elle s'attache après la fusée, ben on se risquera pas de lancer la fusée. Ça partira pas. Ça tout va exploser là. On doit s'arranger pour ajuster les choses. Puis à un moment donné, ben, y aura une partie qui va rester, une partie qui va décoller. Tout est utile, c'est vrai, mais c'est pas une raison pour tout trimballer. Je suis présentement dans une coque vide. Quelle attitude faut-il que je prenne pour la vivre? Bien, vivez-la. C'est très simple. C'est... Vous savez, le vide, ça peut être un étranglement du canal réincarnationnel qui fait qu'on a une hypostimulation au niveau astral, qu'on a une faible stimulation au niveau astral. Mais quand on pose la question, vous savez, il y a beaucoup de questions qui, de temps en temps, sont des questions qui, inconsciemment, souvent, pourraient facilement vous assujettir. Vous assujettir à une autorité autre que la vôtre. Vous assujettir à un maître, à un guide, autre que vous-même. Et c'est problématique. Quelle attitude faut-il prendre pour le vivre? Je ne peux pas, je peux, mais c'est ridicule. Je vous assujettirai à moi, je m'assujettirai à vous, et on est carrément à côté du chemin que l'humain qui veut se conscientiser doit suivre. souvent, les personnes que je rencontre de temps en temps me reprochent de ne pas répondre à certaines questions comme leur ego aimerait. Oui, mais tu connais la réponse, tu as juste à me le dire. Je connais la réponse, puis quand tu connaîtras la réponse, eh bien, tu connaîtras la réponse. Si je te donne la réponse, tu vas l'apprendre, puis tu seras toujours obligé de venir me poser des questions. Présentement, vous vivez certaines choses, et surtout quand ça regarde la vie, c'est là qui est important. Exactement comme si, par exemple, vous me dites, j'ai besoin de volonté, démerdez-vous. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher les caries? Ça, je peux vous le dire. Bon, maintenant que je le sais, peux-tu me survolter, me booster, m'encourager à faire ce que tu m'as dit? Non. Pourquoi? Parce que là, je m'immisce dans votre conscience, je m'immisce dans ce qui vous manipule, et on est déjà suffisamment manipulé, sans en plus. Tant que je suis un livre où on prend d'informations, une encyclopédie, aucun problème en ce qui me concerne, donc en ce qui vous concerne. Mais quand je commence à devenir, finalement, la conscience, quelle attitude faut-il vivre pour vivre dans l'idée, quand on a le pressentiment d'être une coque vide? Ça, c'est votre vie. C'est là-dedans que vous allez apprendre. Une personne me dirait, là, je suis totalement déprimé, je n'ai plus d'emploi, là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, réveille-toi. Ouais, mais me réveiller, ça va faire quoi? Observe simplement que la vie t'a amené dans un trou, puis que c'est pas ça que tu veux en tant qu'intelligence. Je peux te donner de l'information. Puis après ça, je vais pas plus loin. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont être heureux suite à mes paroles, puis qui vont toujours être confinés après ça à venir têter leur bonheur à mes paroles. On ne peut pas faire ça. Dans la conférence, je peux donner une forme d'énergie que l'individu doit assimiler à sa façon. J'ai une question, par exemple, plus claire. Bon, qu'est-ce qui peut causer l'impression de coque vide? Encyclopédie, là, je vais répondre. Mais que dois-je faire ou comment dois-je vivre ceci ou cela? Ça fait partie de votre expérience. Ça fait partie de ce qui, dans la vie, va vous amener, à un moment donné, à être capable de répondre à vos questions comme je le fais pour moi-même. Il y a des individus qui ont suffisamment d'intelligence, suffisamment de possibilités dans la vie, de possibilités, pour fleurir, s'épanouir à un moment donné. Je ne suis vraiment pas le gars qui va venir les empêcher de le faire en leur disant « Écoute-moi! » Non. Alors, quand on pose une question encyclopédique, je vais répondre. Si la personne, elle sait quoi faire, elle l'exprime, je peux confirmer. Bon, ben, ça s'arrête là. Quand allons-nous être gouvernés par l'intelligence? Je ne répondrai pas. Quand on sera intelligent? L'intelligence ne gouverne pas un peuple qui n'est pas intelligent. En termes d'années, c'est dans... Pour plusieurs individus, c'est dans les... On parle de la majorité de ceux qui se conscientisent, là, d'ici 5 à 15 ans. Et puis pour le reste de la planète, ça peut aller varier de plusieurs... On parle de 13 000 à 15 000 ans. À Montréal, ça ne peut pas commencer le 4 novembre? Oh, absolument pas. Loin d'être là. Non. Bon, je travaille encore pour rien. Que faire pour aider au changement qui s'impose? Bon, s'imposer peut signifier deux choses. Si le changement s'impose, laissez-le faire. Hein? Alors, donc, ça peut... Ou encore, un changement qui s'impose, que je dois faire. S'imposer peut vouloir dire deux choses. Que faire pour aider au changement qui s'impose? S'il s'impose, comme la présence de quelqu'un que vous n'aimez pas, si le changement s'impose, rien qu'à laisser faire. Par contre, les changements qui devraient se faire, si c'est dans ce sens-là, que faire pour aider? Rien. Ça fait partie des paradoxes de l'évolution, évidemment, là, qui sont un peu compliqués à expliquer, une conférence comme ça. Mais vous n'avez rien à faire. La plus simple chose à faire, encore une fois, c'est de... Bon, premièrement, la plus simple chose à faire, simplement, c'est de reconnaître chez vous ce que vous êtes, puis de vous en contenter. Bon. Et quand je parle de reconnaître, je ne parle pas de reconnaître vos acquis. Ça n'a rien à foutre avec vos acquis. Vous allez les perdre à un moment donné. Soit par mutation, soit par fusion, soit par mortalité. Vos mémoires vont finir par s'en aller. Bon. De simplement être présent. Être présent et de toujours développer une vie esthétique. Plus chiolarde. Hein, c'est déjà une base. Plus péjorative, sidatisante, sinistre individu dominé par l'astral, sida, bon, plus de sidatisation. Ce que je veux dire, c'est que cessez de parler des autres, contre les autres, contre ceci, contre cela. Non, on perd notre énergie, on perd notre temps. Et en plus, on nourrit nos mémoires, ce n'est pas nous. Vous n'êtes pas des êtres comme ça. Bon, c'est ce qu'on exprime, pas ce qu'on est. C'est ce qu'on a à faire. Et nécessairement, les changements se font. Autrement dit, ce que l'on doit faire, c'est faire ce que je dis de temps en temps aux séminaristes. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous pouvez pas le savoir, parce que pour le savoir, vous êtes investi de mémoire. Donc, vous allez savoir l'avenir avant partir du passé. Vous savez donc rien. En tant qu'à ne pas savoir où on va, tant qu'à ne pas savoir où on veut aller, eh bien, ne regardez pas où vous avancez, tournez-vous de bord et regardez ce que vous voulez plus être. Bon. Et là, vous allez dire, ben, je ne veux plus être ceci. Ben, luttez pas contre. Exprimez-le maintenant. Soyez plus ça. Ben, je ne veux plus chialer. Ben, chialez plus. Facile à dire. Je chiale déjà. Mais oui, c'est facile à dire. Il faut le dire aussi. C'est pas parce que c'est facile à dire que c'est faux. Il faut le dire. On pourrait dire « Je vais plus chialer ». Là, c'est difficile à dire. T'sais? C'est comme ça que la plupart des élections se gagnent maintenant. Les gens votent pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. Les gens vont voter contre au Québec, de toute façon. Contre, les gens n'ont jamais pris de décision au Québec. Quand même pas au Québec. En Ontario, le NPD... Oui, ben, en tout cas, ouais, ben, là, présentement. Mais le Québec a toujours voté contre tout. Bon, l'évêque est rentré parce qu'on votait contre Bourassa. Bourassa est rentré parce qu'on a voté contre l'autre avant. Puis on a toujours voté contre ici. Ici, on n'a jamais pris une décision. On a toujours voté contre. C'est bien simple, on vote contre. Mais c'est ce que tu dis de faire. De ne pas regarder en avant, ça devrait être fort. D'évolution, on ne vote pas contre. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on regarde ce qu'on veut plus, puis au lieu de travailler contre, ben on le vit plus, on l'exprime plus. Fini là. Mais si tu veux du changement, comme par exemple, je me souviens de... Faut pas que tu veuilles du changement. Moi, je veux pas cesser de manger de la terre avec ma tarte. Ce que je veux, c'est manger de la tarte. Je veux pas du changement. Alors, j'ai rien qu'à plus manger la terre, à manger la tarte, c'est réglé. C'est pas du changement que je veux. L'humain, il se dit souvent, je veux du changement, j'aimerais avoir une tarte plus de terre. C'est pas ça du tout. Mange la tarte, laisse faire la terre. Puis à un moment donné, ben la cuisinière va cesser de t'en donner, ou le cuisinier va cesser de te mettre la terre dedans, vu que t'en manges plus. On doit simplement observer ce qui ne nous plaît pas. Alors, on sait pas où on va, mais c'est pas grave. Observe ce qui ne te plaît pas. Et puis, vis plus ça. Lutte pas contre. Comme tout à l'heure, je dis, on prend l'exemple encore, je veux boire, je veux plus boire. Ben lutter contre, non. Car je bois, puis c'est pas ça que je veux. Hein? Et voilà, ça n'a rien changé, ça n'a pas changé ta vie, ça a tout changé dans ma vie. Si je continue comme ça, tiens, je vais encore boire, pourtant, c'est encore pas ça que je veux. Vous allez voir que ce sera pas long, une partie de l'ego va commencer à être votre allié. Tiens, c'est, ouais, c'est vrai. Puis là, dites-vous pas, tiens, j'ai gagné, vous n'avez rien gagné. Continuez à avancer, continuez à vivre. Après la pluie, on ne fait pas une fête au soleil, le temps qu'on va fêter, on ne servira pas du soleil. Alors, on continue à vivre. Comment faire pour accéder à l'abondance à tous les niveaux? Bon, la première chose, ça serait de... En ce qui concerne mes réponses, ça serait de se référer à la conférence sur les clés de l'abondance que j'ai fait au début de cette année ou qui est disponible en cassette. Pourquoi? Parce que ça répond à la question. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on doit s'organiser, ça n'est pas se démerder pour appliquer les choses. Mais on doit prendre en considération... Il y a des lois qui mènent à l'abondance, ce sont des lois archétypales, des lois vieillottes, des lois qu'on retrouve dans les livres écrits présentement. Et cette abondance-là, c'est une abondance qui mène à terme, c'est-à-dire que dans pas grand temps, cette abondance-là, elle va tomber. Si on veut avoir une abondance qui va naître prochainement et qui, elle, va durer à peu près 13 800 quelques années, ces lois-là, eh bien, on doit immédiatement appliquer des lois de l'homme nouveau, des lois, les lois reliées à la femme nouvelle ou à l'enfant nouveau. Et alors, on en avait énuméré une dizaine de lois particulières. Il y a, par exemple, ne pas travailler à outrance. Parce que si on travaille trop, c'est parce que c'est pas ça qu'on a à faire. Donc, pour avoir une abondance, et j'expliquais, que si on a beaucoup d'argent dans ce travail, on n'a plus de temps. Et que l'abondance véritable est du temps et de la matière. Donc, on pourrait dire de l'argent, parce qu'aujourd'hui, l'argent nous donne la matière. Alors, on avait remarqué que la planète était divisée en deux. Les pays qui avaient beaucoup de temps étaient des pays pauvres, pas d'argent. Les pays qui avaient beaucoup d'argent étaient des pays où on n'a pas de temps. On doit travailler l'abondance, donc ne pas travailler à outrance. Il y avait le test, la vérification supplémentale, le test expérientiel. Il y avait la transparence. Il y avait la vérification au niveau des mécaniques karmiques. Bon, il y avait plusieurs choses comme ça. On doit se référer à ça. Et pourquoi j'ai fait une conférence sur l'abondance? C'est pas pour que les gens, un jour, aient l'abondance. C'est parce que c'est intelligent d'avoir le temps et d'avoir de la matière, c'est intelligent, et que si on procédait à travers les lois que j'avais énumérées, en plus, on s'en égoïsait, on créait un double éthérique, on immortalisait la conscience lucide, bref, on s'en allait vers l'homme nouveau. Ce qui était beaucoup plus intelligent en même temps, et nécessairement, ça allait amener l'abondance. C'était comme, tant qu'à être en affaires, évoluez donc. Bon, tant qu'à être en famille, évolue donc. Il n'y a pas de corvée ou il n'y a pas de, de, de, des trucs comme ça à vivre. Alors, la meilleure chose, c'est ça, comment faire pour accéder à l'abondance à tous les niveaux? Les niveaux, c'est le temps et l'argent. Quand on a le temps et l'argent, on a la santé. Et on a le reste, mais on revient encore à une chose, c'est que si on travaille sur vous-même, si vous travaillez sur le fondement, être là quand vous êtes là, pas vous faire ramasser constamment par le mensonge cosmique. Hey, c'est au bout de telle affaire, pas toi qui penses ça. Tu sais, bon, on n'a rien. Toi, être là, tu travailles sur ce qui est important, et nécessairement, progressivement, tous tes effets secondaires de l'évolution vont venir, dont l'abondance. Est-ce que les gens qui se régalent à la vue du sang sont des anciens vampires? Non, c'est peut-être des personnes qui... Si la réponse est non, d'où leur vient ce goût? Premièrement, il faut comprendre que les vampires, la majorité des vampires ont été des êtres qui vampirisaient, suçaient l'énergie vitale des humains. C'était pas le sang. Et pendant un laps de temps, il y a effectivement eu des personnes qui s'abreuvaient du sang parce que dans le sang, on retrouve le système hormonal. On l'a vu au début des conférences, la réincarnation. Donc, il y avait l'âme dans le sang. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines, transfusion d'âme. C'est pourquoi, dans l'Antiquité, on mangeait le cœur ou le foie des ennemis courageux, ou etc. Parce qu'on pensait avoir leur attribut psychologique, on ramassait leur âme. Le vampire, il y a eu un temps où, effectivement, les individus suçaient simplement, se nourrissaient du sang de l'autre. C'est très nourrissant, premièrement. Mais deuxièmement, je sais pas si tu t'en rappelles. Non. Parce que c'est nourrissant. Et surtout parce qu'il y a beaucoup d'énergie vitale dans le sang. Ça va pas en mieux, ça va en pire. Ça va en pire. Mais ce qui arrive, c'est que progressivement, l'être humain, les vampires, surtout en Transylvanie où on en a eu le plus, se nourrissaient d'une énergie vitale des êtres humains. Et c'est ce qui va engendrer par la suite l'idée qu'un vampire n'apparaît pas dans un miroir. Il n'a pas de corps physique, c'est vital. Le vampire peut voler, une chauve-souris, etc. Il se dirige comme la chauve-souris, donc par énergie vitale. Maintenant, on sait qu'elle émet un cri, qu'elle le reçoit, mais ce n'était pas par la vision ordinaire. Et on sait aussi que l'ail fait fuir les vampires, mais on sait aussi que l'ail, c'est quelque chose qui colle le corps éthérique, le corps vital, au corps physique. Donc, un vampire ne peut pas te sucer si tu as mangé de l'ail. Le vampire a l'ail bête. Bon. D'où vient le goût du sang? Premièrement, il faut comprendre surtout que pour beaucoup d'individus, qui ont des mémoires réincarnationnelles de personnes qui ont tué beaucoup, qui ont fait couler le sang. Le sang qui coulait a été symbole de victoire, de plaisir. Alors, dépendamment des expériences planétaires humaines, on gagne, on bat l'ennemi, puis là, toutes les têtes tombent. Hein? On tue, on massacre, etc. On massacrait enfants, femmes, hommes, tout le lot complet. C'était de la victoire, c'était du pouvoir. Alors, dans certains cas encore, les individus, quand ils voient du sang, ils ont des réactions sécrétatives chez eux, hormonales, qui fait qu'ils sont extasiés devant le sang. Pas parce qu'ils ont été vampires. Qui est Belzébuth? Quoi est Belzébuth? Belzébuth, c'est un terme qui désigne l'énergie tellurique, qui désigne le dragon, si on prend les termes Merlin, ou encore les termes des savants qui ont travaillé la bombe nucléaire aux États-Unis. Eux taquinaient la queue du dragon. Hein? C'était une bombe nucléaire. Le dragon, c'est peut être plus puissant. Belzébuth, c'est un mécanique, un nom. Il faut comprendre que quand on prononce un nom, normalement, on a une vibration vitale de quelque chose, et puis c'est transformé par le sens laryngé en nom. Belzébuth, c'est un personnage, si on veut mettre l'idée personnage, qui a été rencontré dans le passé. C'est un personnage qui a un immense corps de bélier, donc au niveau de ses quatre pattes. Le reste de sa poitrine est assez humaine. Il a donc une tête d'homme, des bras d'homme. Il est un peu plus haut qu'un cheval. Et c'est en essence l'individu qui ordonne aux farfadets, gnomes, lutins, hobbits, qui ordonne la majorité des entités de la nature. Et il est en plus ou moins conflit, guerre contre le règne humain, le règne animal, parce que le règne animal détruit trop la nature. Quand on parle de Belzébuth du point de vue d'un visuel, la dernière fois qu'il a été rencontré, si on fouille dans les annales akashiques, ce serait en Écosse, sur un territoire qui porte le nom de Finorm. Donc, c'est une espèce de commune où il y a des individus là, qui parlaient aux plantes, parlaient aux fleurs. Et à un moment donné, ils ont rencontré le Belzébuth en question, qui leur a parlé. Et puis finalement, ils ont pu même aller jusqu'à faire pousser des fleurs lorsqu'il y avait des gelées et même un peu de neige. Alors, Belzébuth, c'est une mécanique qui est exécutoire. Ça veut dire que Belzébuth accomplit des ordres donnés par l'astral. Normalement, Belzébuth est exécutoire et il va exécuter les ordres de l'astral collectif qui, normalement, va apparaître sous forme de mécanique satanéenne, satanique, arimanienne ou encore diabolique ou démoniaque. Bon, ça veut dire que normalement, les mécaniques belzébuthiennes vont aider planétairement à dégrader les karmas noirs humains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'il y a trop de karmas noirs astral planétaire, Belzébuth finit par réagir comme en colère, c'est-à-dire qu'il réagit exécutoire aux karmas noirs que l'humain a créé, et ça peut engendrer un tremblement de terre, ça peut engendrer des volcans, ça peut engendrer des choses du genre. Belzébuth, donc, c'est un personnage qui a été créé lors même de la création de la Terre. Dans le contexte Merlin, on parlera du dragon. Alors, il y a toujours Lucifer, il y a Satan, il y a Belzébuth. Trois mécaniques qui, à un moment donné, devront être assujetties par l'intelligence de l'homme. Parce que le diable n'est dangereux que tant qu'il n'est pas ton esclave. Alors, Belzébuth, Satan ou Lucifer, c'est la même chose lorsqu'ils seront assujettis. On sait que Belzébuth, c'est l'énergie vitale, ce qui fait en sorte qu'on a un corps qui vit, mais qui fait aussi que la nature vit, et c'est lui qui gère toutes les structures de l'évolution hiérarchique à travers les règnes minérales, végétales, animales et hominales. Satan, c'est la conscience collective qui est implantée dans la conscience astrale de l'humain pour que l'humain se plaise dans la matière, pour que l'humain ne se suicide pas pour essayer de fuir le contexte matériel. Et Lucifer, c'est la partie qui, dans l'âme humaine, rappelle à l'humain que l'humain est lumière et qui force continuellement l'humain, même s'il aime la matière, à vouloir évoluer. Pourquoi? Parce que l'être humain a été conçu d'une façon intentionnelle dans le contexte planétaire. C'est une mécanique qui va être capable de relier la lumière et la matière. De ce fait, si on serait uniquement lumière, on ne voudrait absolument pas rester sur le plan planétaire. Si on serait uniquement satanique ou satanéen, on oublierait carrément le reste. Alors, il y a donc les deux mécaniques qui font que de temps en temps, on aime la matière puis qu'on veut en même temps évoluer parce que l'humain n'a pas encore tout à fait, n'est pas centré dans son intelligence. Donc, il est assujetti aux mécaniques lucifériennes et sataniennes. Et le phénomène belzébuthien, c'est quelque chose qui gère les corps physiques, qui leur permet l'animation, puis qui est exécutoire à l'astral, ce qui fait que psychologiquement, si vous filez mal, progressivement, vous aurez des maladies psychosomatiques. La partie vitale qui est exécutoire chez vous réagit aux forces astrales. Quand je dis de temps en temps, certains similaristes, que l'humain doit développer une puissance mentale, une autorité mentale dans l'astral, c'est que lorsque votre mental sera suffisamment implanté dans l'astral, lorsque vous serez un peu plus votre seul maître, ben, c'est votre mental qui va maintenant donner les ordres aux parties vitales, ce qui fait que lorsque vous voudrez être en santé, vous serez en santé. Comme le Nazaréen le faisait de temps en temps au niveau des guérisons, ces choses-là. Et il manipulait Belzébuth simplement parce que c'était une autorité mentale dans la mécanique astrale qui, elle, dirige les phénomènes belzébuthiens. Pourquoi dis-tu qu'on n'apprend pas lorsqu'on dort? Non, on apprend lorsqu'on dort. On apprend énormément. On n'évolue pas, mais on apprend. Y a-t-il des lutins sur les plans vitaux? Et si oui, attends. Des lutins? Oui, absolument. Sur les plans vitaux. Et si oui, est-ce qu'ils sont utiles pour le développement de l'homme? Les lutins sont... Le lutin, bon, qu'est-ce que c'est qu'un lutin? Qu'est-ce que c'est qu'un gnome, un farfadet ou un hobbit, etc.? C'est que ce sont des noms qu'on a donnés à des visualisations intuitives dans le passé, à des mécaniques qui préservent des choses. Le lutin, normalement, est une mécanique vitale. Alors, on saute des détails, là, c'est un peu spiritualisé l'explication. Le lutin est une mécanique vitale qui a pour fonction de préserver la forme des constructions humaines. Si on bâtit une maison, normalement, c'est des lutins qui sont attachés à la maison pour maintenir la forme de la maison. Bon, tu comprends? Alors qu'un gnome va, lui, s'occuper d'un arbre. Un farfadet va s'occuper surtout, lui, de la relation qu'il y aura entre les abeilles et les fleurs. Bon, les hobbits vont s'occuper surtout, eux, des plantes qui vivent sous terre. Ils vont s'occuper de la gestion des racines. Bon, les rhizomes, les pivots, des choses comme ça. Les carottes. Alors, les carottes. Les carottes, les pivots, c'est ça. Donc, le lutin s'occupe surtout de la structure, de la gestion mémorielle vitale des créations humaines. Comment se fait-il que mon corps est souvent présent, mais mon esprit voyage? Votre esprit ne voyage pas. Votre conscience astrale voyage. Quand je reviens, j'ai perdu toute notion du temps. Quand un événement arrive et que je l'ai déjà vu en voyageant... Oui, mais la notion du temps, le temps est illusion. Donc, pas perdu grand-chose. Ah. Quand un événement arrive et que je l'ai déjà vu en voyageant, cela me met tout à l'envers. Pendant le voyage, hors de mon corps, ma voix change. J'ai des tremblements et je n'ai pas faim. Soit il va à l'envers, quand vous allez revenir, ça va vous mettre à l'endroit. Tu me passes la feuille, il y a beaucoup de questions. Oui. Comment expliquer ceci? De quelle façon pour avoir les deux pieds sur terre? On peut l'expliquer en parlant. Comment se fait-il que mon corps est souvent présent? Bon, votre corps est toujours présent là où votre corps est. C'est qu'on règle déjà l'affaire. Mais mon esprit, en réalité, c'est pas votre esprit, c'est votre conscience astrale, elle fait un voyage astral. Alors, c'est simple, c'est que probablement, comme de temps en temps, j'explique à des personnes qui souffrent de cette problématique, justement, manger un petit peu plus d'ail. Puis le corps éthérique, donc le corps astral, reste plus connecté au corps physique, ce qui fait que ça nous permet de cesser de souvent décoller. Il y en a qui conduisent leur automobile, puis ont l'impression d'être à côté ou d'être en haut. C'est le même phénomène. Alors, mais c'est pas nécessairement un problème. Non. Mais quand ça devient un problème, ben, il y a des choses. Tu prends le métro, là, puis t'en as pour 20 minutes, comment tu serais pas là? Moi, c'est ce que je faisais, moi. J'ai jamais pris le métro. C'est ça. Mon corps, je l'ai souvent mis dans le métro. Mais moi, le métro. Bon. Puis là, t'as dit que j'ai un métro, mais c'est pas vrai. Faut que tu t'attendes à la bonne sortie. Ah, oh, mais ça, il n'y a pas de problème, ça. Je m'attendais à bonne sortie. Ou quand je marchais de l'école jusqu'à chez moi, bien, je me rendais compte. Quand il y avait un automobile qui s'en venait, quand je traversais une rue qui était dangereuse, bien là, je revenais. Puis là, je laissais passer l'automobile. Et puis après ça, bien là, je repartais, puis le corps, il continuait. D'ailleurs, des fois, ça m'a créé certains petits problèmes, parce que des fois, quand j'allais ailleurs, je me retrouvais quand même où le corps était habitué d'aller, tu sais. Je trouve chez moi, je vois chez mon ami, j'arrive chez moi, ben, ouais, c'est ça. C'est des problèmes comme ça. Quand on conduit puis on dit que l'auto connaît le chemin, là, c'est ça, c'est mémoire d'intervention. Tu jases, tu parles, tu es parti, ben ton corps, il connaît le chemin. Il conduit l'automobile puis il rentre à l'écurie. Quand je reviens, j'ai perdu toute notion du temps pour la simple raison que le temps est une illusion. Ce qui fait qu'en voyage astral, le temps est encore beaucoup plus fluctuant, beaucoup plus élastique donc qu'on a que le temps matériel au niveau atomique ici, qui est encore très illusoire parce qu'au pôle Nord, ça passe pas aussi vite qu'à l'équateur. Il y a une grosse nuance. Enfin, une grosse nuance pour moi, là, c'est des fractions de secondes pour toi, bon. Et puis, quand un événement arrive et que je l'ai déjà vu en voyageant, cela me met à l'envers. La médiocratie, souvent encore. C'est-à-dire que l'être humain est tellement habitué à une forme de rationalité, même la spiritualité a été rationalisée. Bon. Alors que quand l'humain subitement revient, puis il vit une expérience qui est finalement extrasensorielle, quand l'ego peut constater, moi, ça ne me mettait pas à l'envers, moi, j'étais totalement joyeux de me rendre compte que c'était vrai. J'ai peut-être pas tout compris, mais au moins, c'était vrai. Tu sais, il fait 2 heures, tu essaies d'être télépathe, puis subitement, tu sais tout ce que l'autre pense, Christy, c'était vrai. Puis là, je savais ce qu'il pensait, je ne parlais plus, mais en tout cas. Mais tu sais, je savais. Un autre ex-ami. Ah ouais, c'est vrai, je n'ai plein d'ex-amis. Donc, quand la personne revient, ça la met à l'envers. Ce qu'elle doit simplement comprendre, c'est que, premièrement, elle devra cesser de mettre des valeurs émotives. On ne parle pas toujours de consciemment. Ça peut être consciemment, mais ça peut être aussi inconsciemment. La personne doit se détacher de la valeur émotive placée dans son expérience. Ça va déjà l'aider énormément à se stabiliser. Parce que il n'y a rien là. Bon, elle vit comme ça. Il y en a qui chantent pendant que leur corps physique est quelque part, puis ça va. Donc, elle doit finir par s'habituer, parce que la journée qu'elle va commencer à avoir de plus en plus de mécaniques paranormales, qui sont normales, mais qui sont paranormales pour ceux qui ne sont pas normalisés là-dedans, ben, elle aura des problèmes à le supporter. Hein, y a des personnes qui commencent simplement à faire un peu d'argent, puis ils sont à l'envers, parce que leur expérience fait qu'ils devraient être pauvres. Donc, la personne doit simplement se détacher les valeurs émotives qu'elle place dans l'expérience. Pendant le voyage hors de mon corps, ma voix change, j'ai des tremblements et je n'ai pas faim. Bon, ce qu'on doit comprendre, premièrement, c'est que c'est pas grave, hein? C'est pas un drame. Pendant son voyage, probablement qu'une entité qui vient s'amuser dans son corps physique. Alors, nécessairement, le corps tremble parce que l'entité n'est probablement pas capable de prendre convenablement le contrôle du corps physique, ce qui fait qu'il y a un paquet de dépolarisations ectopiques qui vont se faire, ou d'impulsions ectopiques qui peuvent se faire musculairement ou encore cérébralement. La voix va changer parce que le centre laryngé n'étant pas sous contrôle du même entité, il y aura une nuance au niveau de la façon dont ça va être exprimé. La personne n'a pas faim probablement parce que l'entité qui vient se nourrit uniquement d'énergie astrale et vitale du corps physique et elle n'enregistre pas à long terme la faim physique. Elle n'en a pas besoin. Alors la personne, elle peut se dire, ouais, ben là, si je me fais posséder, moi, ça ne m'arrange pas. Non, effectivement, ça ne vous arrange pas. Maintenant, ce que la personne doit faire, c'est qu'elle doit de plus en plus... Premièrement, elle devrait ramasser un peu d'informations sur cette mécanique, sur les manipulations, sur l'astral, sur des voyages astraux, sur ces choses-là. Pas suivre un cours de voyage astral, là. Mais ramasser de l'information. Il y a des conférences que j'ai faites là-dessus. Il existe des livres dans des librairies spécialisées qui portent un peu sur ces sujets-là. Alors, elle peut fouiller un peu partout, ou dans les bibliothèques, apprendre un peu d'informations. Pourquoi? Parce qu'en prenant de l'information, elle place dans sa structure astrale des mécaniques d'intervention, des mémoires d'intervention. Alors, à un moment donné, elle va encore partir, et puis là, le corps va commencer à trembler, puis une mémoire d'intervention qui peut arriver puis bloquer le processus, qui fait que l'entité ne peut plus descendre à l'intérieur d'elle. On n'en panique jamais, ça n'a rien à paniquer. Et si vous saviez tout ce qui vous arrive, que je compte pas, bon, à un moment donné, on a une question claire, on en parle un peu, mais c'est vraiment pas paniquant. Ça a toujours été comme ça, puis ça va changer à un moment donné, mais c'est pas mer à boire. De toute façon, la mer, pour ce qu'elle goûte, sauf pas la peine de même pas essayer de la boire. Un soir, j'ai dit à un ami, il ne cuisine pas, et il a fait pareil. Suite à cela, il s'est coupé le doigt. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que de temps en temps, on va dire à quelqu'un, mouche-toi pas, il se mouche puis saigne du nez. Mais ça ne veut pas dire qu'on avait raison dans quoi que ce soit. Il n'a pas cuisiné ce soir-là, puis il est sorti au restaurant manger, puis il y a un automobile qui l'a frappé, puis s'est fait tuer. Là, vous diriez, c'est moi qui l'ai tué. Il faut faire extrêmement attention à ce genre de mécanique. Pourquoi? Ce sont des associations typiques de l'animal, au niveau de la conscience. Vous avez un chat. Le chat, il sort de votre chambre, et vous fermez la porte. Puis en même temps que vous fermez la porte, il y a encore la queue dans le cadre de la porte, puis la porte. Alors, vous écrasez sa queue. Puis en même temps que vous écrasez sa queue, il y a une automobile qui crie, qui klaxonne dehors. Alors le chat a une douleur violente, puis il entend klaxonner. Et lui peut facilement se dire, quand c'est le klaxon qui... Bon, il va faire un rapprochement. On appelle ça un rapprochement symbolique. Pavlov s'en était servi pour faire baver un chien. L'astral s'en sert à faire baver un humain. Ça veut dire que la prochaine fois que le chat va entendre un klaxon, il va se mettre à hurler. Il va probablement sursauter, avoir peur, puis bon, il va s'attendre à... Si ça y arrive deux, trois fois, t'es sûr que tu vas suffisamment le programmer pour qu'il réagisse. Bon, dans le cas de Pavlov, il faisait sonner une cloche, puis il donnait de la bouffe à un chien. Puis à un moment donné, bien, il faisait sonner la cloche, puis le chien, il salivait, il s'apprêtait à manger. Il n'y avait pas de bouffe. Le système endocrinien, bien, exocrinien dans ce cas-là, se mettait en marche, du moment que le chien entendait un son de cloche. Alors, ce qu'il faut faire attention, donc, c'est ça. Il y aura toujours des mécaniques comme ça qui vont faire en sorte, si l'on veut, il y a une personne qui me disait, « Oui, mais chaque fois que je sors dehors, je vois un avion, qu'est-ce que ça signifie? » Ça signifie qu'il y a des avions dans le ciel, tu sais. C'est ça que ça signifie. Casse-toi pas la tête. Chaque fois que je regarde l'heure, là, c'est toujours les chiffres 1 qui sont placés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ton ego te joue des tours, puis quand tu arrives à 11h11 ou à 1h11, tu tournes la tête pour voir. Bon, t'es manipulé, c'est ça. Un autre pourrait dire, comment c'est ça que moi, quand je regarde le cadran, j'ai jamais la même heure. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça, c'est normal, alors on cherche pas. Faire attention à ça, c'est la spiritualité qui est problématique. Ça peut être aussi un beau piège pour t'arrêter d'évoluer. Ben, c'est un piège, c'est une récupération astrale, donc... Encore là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais regarde, j'ai raison, c'est du pouvoir que je cherche. Pouvoir spirituel, des pouvoirs occultes. Son plan de vie à l'autre. S'il se coupe le doigt, etc. Tu sais, on n'a pas à dire. Puis en plus, pour ce que ça peut créer comme problème. La quantité de fois que le parent a dit à son enfant de ne pas aller se baigner avant qu'il se noie, ben, c'est ça. Puis s'il a rattaché son enfant, ben l'enfant l'aurait détesté à vie. Fait que, tu sais, on sait pas, on sait jamais rien. Ce qui fait qu'on n'a pas, faut faire bien attention aux récupérations astrales de ce genre-là. L'être humain est investi d'une quantité phénoménale de capacités. L'être humain a la capacité de penser. Bon, mais la pensée, c'est la réflexion inconsciente de mécanique astrale réincarnationnelle. Ça manipule l'humain. C'est pourquoi le soir, quand on veut dormir, ça pense dans notre tête. On contrôle pas la pensée. On contrôle la parole dans notre tête. On peut cesser de se parler. Ça pense. On cesse de se parler. Ça, c'est nous autres. Bon. L'homme a la capacité de parler, exprimer de l'intelligence. Il a la capacité de penser, vomir de la mémoire astrale. Il a la capacité de bouger un corps physique, télékinésie interne. Il est capable de bouger de la matière. Il a la capacité, s'il veut, télékinésie externe, bouger la matière extérieure. Il a la capacité de télépathie, une sympathie vibratoire qui fait en sorte qu'il pense en même temps qu'un autre, que l'autre pense en même temps que lui. Pas une communication, allô, allô, oui, je suis là, oui, je t'entends. Pas ça du tout. J'ai le goût qu'on sorte, il y a le goût qu'on sorte, on télépathe. Il a la capacité de téléphatie, pénétrer la conscience astrale d'un autre individu et lui faire faire ce qu'il veut. Bon. Il a la capacité de métagnomie. Lire le passé, lire dans l'astral. Il peut faire ça avec des cartes, avec une boule de cristal, en touchant une pierre, en touchant une roche, en regardant dans des marques de café. Ça stimule chez lui sa capacité métagnomique. La capacité de Cumberlandis. Trouver les choses qui sont cachées par l'astral à ses yeux. Trouver ce qui est caché. Il a la capacité de voyage astral. Fouiller consciemment dans le monde de la mort sans être mort physiquement. Il a la capacité de voyage astral depuis l'Antiquité. Il a la capacité de voyage séraphique. Ce n'est pas voyage astral. Il a la capacité de guérison. Il peut guérir lui-même ou autrui. C'est absolument phénoménal la quantité de possibilités que l'humain a. Et l'être humain ne doit pas vouloir développer ces choses-là. Il doit constater lorsqu'elles apparaissent sans être renversé, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il ne doit pas rechercher ces choses-là parce que c'est pas long que l'ego finit par être content. J'ai un don. Si tu as un don à te donner, t'as pas de mérite, mais les gens s'en vantent. En plus, les gens vont, c'est des pouvoirs occultes, parce que pendant longtemps, on dit c'est des pouvoirs occultes qu'on veut développer des pouvoirs. Parce qu'on a un pouvoir sur la matière, on peut se flatter l'ego, on a un pouvoir sur autrui. L'humain a la capacité de jouer avec les forces belzébutiennes, donc d'en faire de la sorcellerie, de la magie noire, même de la magie blanche. On doit faire extrêmement attention parce que toutes ces choses-là sont des mécaniques qui peuvent nous récupérer. On appelle cela se faire donner un poste astral. Vous êtes évolutif, vous évoluez, tout va bien. Subitement, moi, petit bonhomme dans la rue, je vous rencontre et je vous trouve rayonnant ou rayonnante. Alors je vous dis, tu es beau, tu es belle, je suis sûr que tu es un maître. Est-ce que je peux te suivre? Eh bien, si vous êtes facilement astralisable, si vous recherchez le pouvoir, même inconsciemment, il y a des chances que ça vous touche, ce que je vais vous dire là. Vous pouvez dire non. Mais dans un an ou deux ans d'ici, vous aurez peut-être des disciples. Et vous pouvez dire oui. Mais dans les deux cas, l'astral m'a manipulé pour vous donner un poste astral. Vous n'évoluez plus depuis ce temps-là. Vous faites évoluer les autres en les assujettissant à vous. Ça peut leur donner un coup de pouce tant qu'ils vous lâchent. Mais vous, fini. Vous n'évoluez plus. Vous pouvez faire des conférences à un moment donné, comme moi je le fais. J'ai de mes raisons. Mais ce ne sont pas des raisons de ramasser des disciples. On n'est pas de disciples. Les gens même des fois me trouvent bête. Ben c'est ça. Comme ça, il n'y a pas de disciples. J'ai des amis. Puis j'ai des connaissances. Mais il n'y a pas de poste astral. On m'en a offert des postes d'astro. On va vous en offrir souvent. Et plus un être humain commence à découvrir, vous, par exemple, vous commencez à être capable de faire bouger les objets à distance, allez-vous faire ça devant le monde? Pas si vous êtes intelligent. Pourquoi? Les gens ne sont pas assez intelligents. C'est pas long que vous ne pourrez plus vivre. Vous ne pourrez pas évoluer. Vous ne pourrez plus continuer à être vous. Vous allez devoir être obligé à être autrui. Comme à un moment donné, une personne me dit, « Daniel, tu peux guérir les gens. » Bon, j'ai déjà vu des choses. Pourquoi ne guéris-tu pas les individus qui viennent aux conférences ou qui ont fait le séminaire, etc.? Ben, premièrement, je vais me ramasser avec des individus. Je vais me ramasser avec des malades. Avec juste des malades. Des gens qui se foutent royalement d'eux-mêmes et royalement de ce que je suis, qui ne recherchent astralement qu'une cure, sans remettre entre les mains d'un autre. Et deuxièmement, c'est que je ne peux plus vivre. Et comme je lui expliquais, c'est qu'à un moment donné, c'est très simple. C'est que si un jour je décide que je veux prendre des vacances, ben, les gens ne me laisseront jamais prendre des vacances. Les gens vont me tuer. Et il me dit, ben non. Et je lui dis, oui, tu as un enfant, parfait, de 9h à 6h, je guéris. Si à 6h15, arrive avec ta fille qui vient de se noyer, tu me dis, sauve-la. Puis je te dis, non, il est 6h, passe demain, qu'est-ce que tu fais? C'est ça que l'humain va faire. L'humain qui est intelligent, qui le moindrement commence à développer des choses, il le garde pour lui. Et ça fait quoi? Ça fait que garder un secret comme ça, vous allez voir l'énergie que vous allez récupérer. Ça va être bouillonnant. Votre ego va tourner. Il ne pourra plus dormir. Ça va être la folie furieuse en dedans. Fermez-la. Vous allez voir qu'après une semaine ou deux, vous allez être la même personne sur 8-9 octaves plus haut. Quand je dis la même personne, c'est que consciemment, vous allez être le même personnage. Vous saurez les mêmes choses. Et psychologiquement et astralement, vous allez avoir démoli la majorité de tout ce qui vous embêtait. Mais normalement, l'individu recherche la télékinésie. Pourquoi? Parce qu'il se dit « Je suis télékinésiste, je suis évolué. Je suis guérisseur, je suis évolué. J'ai fait des voyages astraux, je suis évolué. » Non. Tu fais des voyages astrales. Tu es télékinésiste. Ça n'a rien à voir avec l'évolution. Ça va apparaître dans l'évolution. Mais l'évolution n'apparaît pas avec ça. Alors, quand on parle de post-astro, c'est ça. Vous avez la possibilité de faire quelque chose, puis après ça, ben là, le public va immédiatement vous obliger Hein? Et on devient... on a un poste. Puis quand on a un poste, on n'évolue plus. On peut plus évoluer. Il n'y a personne qui évolue quand il est assujetti par un public. Que le public soit sa famille, que le public soit ses parents, que le public soit des fidèles, l'individu ne peut plus évoluer. Les individus qui sont là vont bénéficier de la stagnation évolutive de l'autre jusqu'à un moment donné où ils vont devenir aussi assujettis ou bien jusqu'à un moment donné où ils vont le quitter. Mais celui qui est assujetti est fait. Le poste astral, c'est important. On le dit souvent. Hein? Le parti politique le plus puissant est le parti de l'opposition. Quand on lui donne le pouvoir, il est fini, il est fait. Il y a un poste. En parlant de postes de politique, la semaine prochaine, on va parler des événements planétaires actuels. On va parler des raisons ésotériques qui sont cachées sous ça. Ça va nous donner une vision de 91, 92, de quelques années qui viennent. Puis en même temps, on va comprendre un peu plus l'apparente absurdité à travers la crise amérindienne, le golfe Persique, puis le paquet de phénomènes qui se passent présentement. Alors, si ça vous intéresse, vous venez. Sinon, vous venez pas, j'espère bien. Thank you.